Evariste Ndikomanyanga. Merci de rester fidèle à Radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce 25 juin 2019. Nous voici d'abord les principaux titres. Le ministre de la Solidarité appelle les ONG qui travaillent avec son ministère à privilégier le terrain que les séminaires et ateliers. Ce clin d'œil du ministre Nizabandi et de ce lundi au cours d'une réunion à l'intention de partenaires. 5 personnes, dont une Burundaise vivant aux États-Unis d'Amérique, ont passé la nuit d'hier au cachot de la police de Bururi. Ils ont été arrêtés sur ordre du gouverneur de Bururi. Notre correspondant sur place nous en dira plus dans ce journal. Et pour assainir le centre-ville de Bujumbura, la commune urbaine de Mukaza compte installer des poubelles sur différents axes de la capitale Bujumbura. Cette annonce est de Issa Désiré Mazimaka, l'administrateur de la commune urbaine de Mukaza. Le duo Dorine Wimana et Pitas Ndaishimiye assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministre de la Solidarité et de la Protection sociale appelle les ONG qui travaillent avec son ministère à aller sur terrain et de cesser avec les séminaires et ateliers. Dans une réunion avec les représentants de ces ONG ce mardi, le ministre Martin Isabandi dit que les activités de ces ONG, tant locales qu'internationales, comportent de manquements. Il cite notamment le manque des rapports. Suivez le ministre Nizabandi, propos recueillis par Moïse Misako. Nous avons des partenaires de 3 catégories. Il y a le système des Nations Unies, il y a les organisations non gouvernementales étrangères, mais aussi il y a les organisations non gouvernementales locales. Et le niveau de satisfaction des interventions de ces organisations, je dirais qu'il y a amélioré. Ils sont sur le terrain, mais la plupart des fois, nous trouvons qu'il y a un problème de coordination. Les mêmes partenaires, avec un même objectif, déploient des moyens envers les mêmes bénéficiaires. Et ce qui cause une perte de moyens, mais aussi ce qui cause une certaine perte d'efficience en termes d'intervention. Et aussi, nous avons constaté qu'il y avait des planifications qui ne sont pas coordonnées avec celles du ministère. Donc le ministère ne parvient pas à savoir quel est l'état de réalisation dans tel ou tel domaine. Et là, nous avons exprimé que nous ne sommes pas contents de cet état de fait. On s'est convenu qu'on va mieux organiser la coordination des différents intervenants, de différents partenaires du ministère en charge des droits de la personne humaine et des affaires sociales des gens, et pour que dans chaque secteur, il y ait une coordination efficace. Il y a des tares, il y a des faiblesses au niveau de la collaboration, mais de façon générale aussi, il y a des apports de la part de ces partenaires. Et nous avons aussi insisté sur la production des rapports. Il y a des organisations, une fois la convention signée, on ne voit plus les rapports. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'organisations qui mettent beaucoup d'attention, qui mettent beaucoup d'efforts à l'organisation des ateliers, des sensibilisations. Et depuis pratiquement 1995, les Burundais ont été sensibilisés, ont été formés dans un domaine ou un autre. Parmi les recommandations que nous avons formulées, nous les avons exprimées clairement. Notre souhait est de voir les différents partenaires du ministère des droits de la personne et des affaires sociales et du genre, de les retrouver sur le terrain, dans des travaux, dans des opérations qui mettent en avant le développement socio-économique des ménages. C'était le ministre de la Solidarité nationale, Ismaël Tchergui, commissaire en charge de la paix et de sécurité à l'Union africaine, a fait usage de propos malveillants en disant que le Burundi connaît une situation politique préoccupante, Conseil de sécurité des Nations Unies, point de vue de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans une déclaration sortie ce mardi. Jean de Dieu Moutabazi, président du dit observatoire, indique que de tels propos visent à ternir l'image du Burundi. Suivez à ce propos Jean de Dieu Moutabazi. S'adressant par vidéoconférence au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Ismaël Cherghi a tenu des propos qui dénotent sa volonté de nuire au Burundi, notamment par un ton alarmiste décrivant notre pays comme étant dans une grave crise politique et sécuritaire. À l'appui de ces dires, des images de scènes de troubles datant de 2015 ont été diffusées alors que le monde entier est témoin que la situation sécuritaire est actuellement maîtrisée et que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. En réalité, pareil discours qui ternit l'image du Burundi est dans la continuité des entreprises de déstabilisation qui sont menées par certaines puissances néocolonialistes. Ces puissances ont insisté pour tenir un briefing sur le Burundi alors qu'il est évident que la situation dans notre pays ne constitue aucune menace pour la sécurité nationale, régionale ou internationale. Cette insistance à tenir un briefing n'était qu'un prétexte pour donner l'occasion au commissaire Cherghi de demander une reprise du dialogue inter-burundais à l'extérieur du pays, tout simplement dans le but de torpiller la démocratie et les élections de 2020. Fort heureusement, le Burundi n'est pas seul et la vérité finira par triompher. Contrairement aux propos de M. Cherghi, la plupart des membres du Conseil de sécurité ont plutôt encouragé le gouvernement du Burundi à continuer de préserver la situation sécuritaire qui est normale, de poursuivre l'ouverture démocratique inclusive qui est en cours et surtout de veiller, comme il s'y est engagé, à préparer soigneusement des élections apaisées, libres et démocratiques en 2020. Ces propos ont été recueillis par mon confrère Charles Makoto. Quelques brèves de province. Un homme est sous le verrou depuis 2 jours au cachot de la commune Gashikano en province Ngozi. Il a été surpris avec 48 petites boules remplies de chanvre à la permanence du parti CNL dans cette commune. Le représentant provincial de cette formation politique dit ne pas reconnaître cet homme qu'il qualifie de délinquant de la rue. Selon Jonas Nahimana, l'homme en question habitait depuis cette maison en cours de réhabilitation. Ce responsable provincial du CNL indique que la responsabilité n'incombe qu'à cette personne attrapée avec ses stupéfiants. Deux fillettes âgées de 7 ans et 8 ans du quartier Mubogora de la colline Woutare dans la commune Kayogoro, nous sommes dans la province de Makamba, sont mortes suite à la forte pluie de ce lundi soir dans cette localité. Daichimie Gervais, le chef collinaire de Woutare, précise que leurs corps sans vie ont été retrouvés l'un hier soir et l'autre ce matin au bord de la rivière Mutsindozi, et que c'est regretté à l'épuiser de l'eau. Cette pluie diluvienne a aussi détruit 2 maisons et une église de la même localité. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, la commune urbaine de Mukaza envisage d'installer des poubelles sur différents axes du centre-ville de Bujumbura. Alors que les citadins déplorent le manque de ces poubelles, Issa Désiré Mazimaka, administrateur de la commune Mukaza, demande aux habitants de la capitale de rompre avec le comportement de jeter des déchets n'importe où avant que la question trouve solution. L'écoute. Il y a la responsabilité des gens. Les gens qui mangent des bananes ou qui achètent des bouteilles d'eau, les bouteilles du lait, ils s'en vont dans la rue. Après avoir consommé, ils jettent à gauche, à droite. Est-ce qu'il ne peut pas être responsable de cette bouteille après avoir vidé les consommables, de la prendre et de marcher avec à une telle distance. Ils cherchent là où il y a une poubelle. Il y a un projet qu'on envisage pour accompagner cette éducation. Aujourd'hui, c'est le budget de 2019-2020. On envisage au niveau de la commune et au niveau de la mairie de mettre des poubelles sur des différents axes. Vous vous souvenez qu'avant, il y avait 5 à 4 poubelles au niveau de boulevard de l'Iprona. Ce n'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, on va mettre des poubelles partout dans les axes et on trouve qu'il y a des gens qui fréquentent souvent. Et puis, on va demander aux responsables des restaurants, des boutiques, que chaque responsable d'un magasin doit disposer en poubelle. Même si vous passez aujourd'hui dans les bureaux administratifs, il n'y a pas de poubelle. Il faut que ces gens apprennent cela pour empêcher les gens à jeter n'importe où ce qu'ils laissent comme déchets au niveau de la rue. C'est-à-dire que ça commence avec le mois de juillet. On va voir dans les prévisions comment on va installer des poubelles dès que les responsables administratifs donnent un coup d'envoi, c'est-à-dire que d'autres personnes doivent accompagner cette mesure. Il y aura aussi des explications, il y aura des enseignements. Après les enseignements, c'est-à-dire on invite les gens à suivre le mouvement, il y a des récalcitrants, c'est là où alors la loi doit s'appliquer. L'administrateur de la commune urbaine de Mukaza fait également appel au personnel de la santé qui sont chargés de l'hygiène au sein du ministère de la Santé de fournir plus d'efforts sur la gestion des ordures en mairie de Bujumbura et de collaborer avec les administratifs pour faire face à ce problème. On écoute encore une fois l'administrateur Mazimaka. Aujourd'hui, nous avons les TPS au niveau des zones. Il faut que le responsable de la zone travaille avec les TPS. Ce sont des techniciens, des personnels de la santé. Ils sont à la disposition des zones. Ce sont eux qui doivent inspecter les petits restaurants ou les grands restaurants qui sont ici. Ils vont vérifier si les parcelles sont connectées aux égouts ou bien il y a des latrines appropriées. Il faut qu'on travaille concomitamment avec ces gens. Il faut les responsabiliser jusqu'au niveau de l'avenir, au niveau de chaque quartier, qu'il y ait des responsables. Chacun est responsable de la propriété au niveau de la parcelle, au niveau de la rue, et au niveau de la zone et au niveau de la commune. Pour en terminer, il y a une éducation. Il faut qu'au niveau de l'éducation, aujourd'hui, l'administration, quand nous tenons des réunions, nous sommes avec des hommes adultes et des femmes adultes. Les enfants ne sont pas là. Est-ce que les parents enseignent leurs enfants qu'il ne faut pas cracher dans les rues, il ne faut pas jeter des papiers dans la rue? C'est-à-dire qu'au niveau de l'enseignement, le ministère de l'Éducation, via les directeurs des écoles primaires, commence à enseigner les enfants pour s'adapter à l'échelle de la ville, voir la situation de la ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une éducation de la base au sommet. Les propos de l'administrateur urbain de Mukaza ont été recueillis par ma consoeur Ornella Mucho. Santé à présent, les moyens de traiter la maladie de vitiligo au Burundi, qui est une maladie de la peau, ne sont pas aussi avancés que dans les pays développés. Ce sont les propos de Dr Belize Kaneza, la dermatologue. C'est au moment où le monde célèbre ce mardi la journée internationale de lutte contre le vitiligo. Néanmoins, cette maladie peut guérir une fois traitée à temps. Docteur Kaneza conseille de vite se faire soigner à l'apparition des premiers symptômes, dont la décoloration de la peau. Suivez-la au micro Disney Barico. Vitiligo, donc, c'est une maladie de la peau qui décolore la peau donc, et qui est due donc, à une formation des anticorps qui sont dirigés contre mélanocytes de la peau. Ce sont des cellules qui contiennent le pigment qui donne la couleur noire. Les causes ne sont pas bien connues, en fait, mais on dit que près de 50% ça peut être hérédité. Selon les statistiques, c'est 1 à 2% de la population qui est atteinte de la maladie. Les symptômes, une décoloration, c'est une tache qui est bien délimitée. Ça peut atteindre une partie dans quelconque de la peau. Ça peut commencer aussi par les extrémités, par exemple les doigts, les orteils, bouche ou bien les oreilles, au niveau du visage aussi. Le vitiligo, ça peut attaquer des personnes de tout âge, mais on dit que là où on trouve donc le plus de personnes qui ont la maladie, c'est entre 20 et 40. Parce que donc à cet âge-là, je crois, on est dans la vie active et effectivement, cette maladie est le plus souvent provoqué par le stress ou bien même quelque chose qui peut affaiiblir l'immunité d'une personne. Alors, le fait que les causes ne sont pas bien connues, vous comprenez bien que le traitement aussi, c'est un challenge, je dirais. Donc, il y a des médicaments qu'on utilise pour essayer de stopper que la maladie ne se propage un peu partout sur tout le corps. Il y a les médicaments qu'on utilise pour repigmenter. À l'étranger, il y a ce qu'on appelle la photothérapie. Si on agit très vite, ça peut être curable. Il faut aussi signaler que parfois, même sans traitement, il peut y avoir une repigmentation spontanée comme ça. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas vraiment définir est-ce que c'est curable, est-ce que c'est incurable. Je vous le disais en titre, 5 personnes, dont une Burundaise habitant les États-Unis d'Amérique, ont passé leur nuit de saut lundi à mardi au cachot de la police de Bururi. Frédéric Niyonzima, gouverneur de la province de Bururi, a lui-même ordonné leur arrestation l'après-midi de ce lundi au chef-lieu de cette province. Selon lui, les photos qu'ils prenaient et une somme de plus de 22 000 $ les Américains sont sujets de suspicion. Des détails avec Jean-Pierre Misako. Les images qu'il prenait au monument de l'indépendance 6 devant les bureaux communaux de Bururi sont à l'origine de l'arrestation de Cécile Aïcha Kiyé, une Burundaise née aux États-Unis d'Amérique, et quatre autres Burundais qui roulaient à bord d'un véhicule Jeep aux vitres teintées, selon Frédéric Niyonzima, gouverneur de Bururi. Ce responsable provincial était près de ce monument et dit avoir été inquiété d'être filmé par des inconnus et a ordonné l'interception de son véhicule. Après fouille, on a découvert que cette femme était en possession de 22 150 dollars américains et 176 500 francs burundais. Pour le gouverneur de Bururi, cette somme est colossale en dehors d'une institution bancaire et elle nécessite une enquête sur la vraie utilisation par ces personnes à bord de ce jeep d'une députée de la coalition Amizero ya Barundi, actuellement membre de l'Assemblée législative est-africaine. Les informations obtenues des proches de ces personnes arrêtées disent qu'il n'y a rien de compromettant qui justifie cette arrestation. Ils expliquent en effet que cette femme était venue répondre à un procès pendant au tribunal l'opposant à son mari de Kigwena en commune Rumonge et visitait Bururi ayant appris de ses parents que c'est là leur origine. Elle envisagerait même acheter une parcelle pour y ériger une maison pour les vacances au Burundi. Quant au véhicule, il a été loué à Bujumbura sans considérer la fonction du propriétaire et à ses proches d'exiger leur libération sans condition. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Bouclons la boucle de ce journal sur cette page sportive. Le Burundi a été classé deuxième avec 11 médailles dans la compétition de Kung-Fu qui s'est déroulée au Rwanda dimanche passé. Le président de la Fédération burundaise de Kung-Fu se réjouit de cette place des Burundais qui ont décroché des médailles dans ces compétitions. Martial, quant à bon fils Inina Hazgwe, l'un des arbitres de cette compétition, apprécie le comportement positif du joueur durant ce tournoi. Les détails avec Pacifique Echouaïdou. Dans ces compétitions régionales qui se sont clôturées ce dimanche dans la capitale de Kigali, les joueurs burundais ont représenté dignement le pays en décrochant 11 médailles, dont 6 en or. Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu, se réjouit de cette place, tout en précisant que c'est un signe d'encouragement pour les autres championnats à venir. C'est avec enthousiasme que nous avons remporté les 6 médailles, les 5 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Nous étions vraiment très contents de remporter toutes ces médailles avec une coupe de deuxième place. Donc c'est quelque chose de très émotionnel, donc de très surprenant pour des autres pays. Ils ont été surpris de voir le Burundi pour la première fois remporter les 6 médailles tout d'un coup. Bonfils Inna Hazuel, l'un des arbitres, apprécie le comportement que les joueurs burundais ont manifesté durant la compétition. Les pays africains, il y a des pays comme le Tanzanie, le Kenya qui savent beaucoup le Kung-Fu. Ils sont déjà avancés dans le Kung-Fu. Mais le Burundi aussi n'a pas été beaucoup moins facile parce qu'il a bien démontré ses efforts. Donc, ce que j'ai vu, j'apprécie beaucoup l'événement, j'apprécie beaucoup les membres, comment ils se sont comportés dans la compétition. C'était bien. Tous ont essayé de montrer leur éducation, leur esprit qu'ils utilisent, soit le respect avec une éducation aussi dans leurs pratiques, ce qu'ils font sur le terrain. 6 pays, à savoir le Rwanda, pays hôte, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et la RDC, ont répondu présents dans ces compétitions qui se sont déroulées du 22 au 23 juin 2019. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'équipe technique qui se trouve de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Yeah.